sais ce qui serait sympa, Pépé? Non? Et on devrait faire un espèce de pré-générique où on dirait, je sais pas, un jeu de mots, une connerie en rapport avec le sujet. Attends, refais là, la fin à couper. Ok. Vas-y. Tu sais ce qu'on devrait faire, Pépé? Non? On devrait faire un espèce de pré-générique où on sortirait une connerie, un truc en rapport avec le sujet, un jeu de mots débile. Qu'est-ce que t'en penses? Regarde. Et ensuite reviens ici, à Boulder, quand la lune est pleine. Tu as compris? Oui. MOON. Ça se prononce lune. Et bienvenue dans Cadre, l'émission qui... Fly me to the moon. Let me play. Bonjour à tous et bienvenue dans Hors Cadre. On se retrouve pour enfin le premier épisode officiel. Bah, le concept de l'émission est simple. Si vous n'avez pas écouté le premier, je vous redis. On prend un sujet et on brode autour avec des anecdotes, des chroniques et des petites histoires qui ont plus ou moins de rapport avec le sujet. Salut Pérantoir, comment tu vas? Salut, mais qu'est-ce qui se passe pour... C'est toi qui présente maintenant? Ouais, on est des fous. On va présenter. Je vais présenter ce coup-ci et peut-être que je te redonnerai la main la prochaine fois si t'es sale. Donc ce soir, je mets la cool douce, c'est ça? C'est ça. Va falloir quand même que tu bosses un peu les jingles et tout ça. Ouais, bon, ça va. Ça va aller. Alors, pour ce premier épisode officiel, on va dire, on a non pas un invité exceptionnel, mais deux invités exceptionnels. Mais 38 invités. Oui, ça sera pour l'épisode 38 quand même. Cette fois-ci, on a deux invités, donc je disais, dont les voix commencent à être un peu connues. Salut Titours. Bonsoir. Ça fait quoi d'avoir une voix connue? Ah, ça fait plaisir. Je sais que la célébrité commence à te peser, mais ça va aller. Non, ça va, je gère, je kiffe. Et aussi, pour nous accompagner, bonsoir Loli. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis venu dire des choses avec vous. Toi aussi, t'as vu la lumière, t'es rentré. Oui, c'est ça. J'ai fait toc-toc, on m'a dit, je viens, c'est rigolo. Voilà. J'ai dit, allez. La bonne idée. Alors, je sais pas si vous avez bien entendu dans le générique, il y avait, comme d'habitude, un petit extrait à l'intérieur. Est-ce que vous avez reconnu cet extrait? J'ai reconnu la chanson, mais pas l'extrait. Eh ben, l'extrait, en fait, vient de l'adaptation en téléfilm du roman de Stephen King, Le Fléau. Et il parle de M-O-O-N, ça veut dire lune, parce que nous allons... Ce soir, vous décrochez la lune. Allez, sommaire. Et dans cette édition de Hors Cadre, 1610, une nouvelle invention confirmerait la présence de la vie sur la lune. 1913, la lune débarque sur les grands écrans, mais elle n'est pas toute seule. 1969, l'homme a marché sur la lune, et on souhaite une bonne chance à Monsieur Gorski. 1970, les théoriciens du complot prétendent que personne n'y a jamais mis les pieds, la vérité va enfin éclater. Allez Pépé, on attaque ? On attaque avec le premier jingle, malheureusement. Bon, je tiens à m'excuser devant tout le peuple qui écoutera par hasard cet épisode. C'est quoi cette soupe? Cette soupe, ça fait partie. C'est de... génial. c'est une très très vieille série animée qui s'appelait Le Secret des Sélénites. En même temps, trouver des jingles en rapport avec les Sélénites, puisque c'est un peu de ça que je vais vous parler, assez compliqué. En fait, je vais vous parler de toutes les théories qui correspondent aux habitants sur la Lune. En fait, ça fait au moins 25 siècles qu'on a des témoignages sur le fait que la Lune soit habitée. Mais en fait, c'est ensuite, avec l'invention du télescope, que les théories vont s'emballer. Et les théories de l'habitabilité de la Lune, c'était surtout en moins 500 qu'on commence à en entendre parler par un certain Xénophane. Il porte bien son nom, je trouve, d'ailleurs, Xénophane, pour quelqu'un qui aime bien les extraterrestres. Et on a eu, parmi ses partisans... Comme quoi, il y a des habitants sur la Lune. On a eu Pythagore. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais. Ouais, malheureusement, oui. Oui. Ouais, c'est ça. Quelques années. Pour lui, il y aurait eu carrément des arbres et des animaux lunaires de 15 fois la taille supérieure à ceux de la Terre. Pour lui, c'était ça qui se passait sur la Lune. jusqu'à Johann Kepler, un astronaute allemand qui, beaucoup plus tard, émit des vues proches de celles de Pythagore sur l'habitabilité de la Lune. C'est dur à dire, habitabilité. En fait, ils ont décidé d'appeler ses habitants les Sélénites, qui doivent leur nom à la déesse lune grecque Sélène. Sélène, oui. Non, c'est pas Sélène. C'est Sélénée. Ah, je croyais que c'était Sélène. Mais... parce qu'elle avait deux petites sœurs. Je m'appelle Sélène, c'est donc comme les autres. Mais... avec des garçons. En plus, c'est vrai qu'elle avait deux sœurs. voilà. Pardon. Donc les Grecs de l'époque classique l'honoraient en plus. Ils leur faisaient des offrandes sous forme de gâteaux qui avaient évidemment la forme de disques ou de croissants. Alors, en fait, le télescope qui a été inventé vers 1580, à titre d'info, et plutôt plus tard repris par Galilée en 1609, ça a permis d'encore exacerber toutes les croyances qu'on avait dessus. D'ailleurs, en 1610, Galilée découvre plein de trucs, hein. Il découvre le croissant de Vénus, les lunes de Jupiter, les anneaux de Saturne, et beaucoup de choses sur la Lune dont il fera une carte très détaillée. D'ailleurs, c'est un peu ça qu'il le fera, qu'on lui fera cramer un peu sa tête. Ah oui, bah c'était le problème à l'époque. Oui, c'est voilà, fallait pas être trop revenu. Faut pas parler trop fort. Alors, ce que nos ancêtres ont vu de la Lune, en fait, d'après l'observation au télescope, c'est qu'ils voyaient des objets, des routes, de la végétation, et même voir des châteaux. Il y en a même certains qui disaient que, ouais, c'est des châteaux, parce qu'on les voit se faire attaquer par des assaillants. Oh ouais, la drogue, quoi. Voilà, la drogue. Il y en a d'autres qui ont vu des fleuves, des forêts, et des migrations d'insectes. Est-ce qu'ils ont vu des visages, voilà, voilà. Comme pour Mars? Ah bah, alors... tout ce qui est visage imprimé sur la Lune, c'est encore autre chose. Des objets qu'on voit selon les ombres aussi, mais ça date même d'avance. Qui est oui. Relief. En fait, il faut savoir que reconnaître des choses de la vie courante dans des topographies, des trucs comme ça, ça s'appelle la pareidolie. Ça marche pareil avec les nuages. Oui, voilà, c'est ça. D'ailleurs, les choses qu'on voit, il y a un endroit qui est particulier qui s'appelle le cratère Linné, qui est dans la mer de la Sérénité. C'est à partir du 19e siècle qu'on voit dans ce cratère beaucoup de choses. Il y en a pour certains, c'est une grosse tache blanche qui apparaît de temps en temps. Alors que d'autres, ils voient carrément une grosse tache noire, pas trop cherchée. Selon les observateurs, il mesure entre 7 et 8 km, d'autres 10 km. Bon, maintenant on sait qu'il fait à peu près 3 km, malheureusement. Certains y voient carrément un dôme dessus, et d'autres y voient des pyramides. Alors certains 3, certains 7, ça dépend des observateurs. Un autre fait plus concret, c'est le mur de la Lune. En 1645, qu'on trouve dans un ouvrage mystique qui a été publié à Anvers, une carte lunaire... Ou des Allemands, quoi. 1645. Plutôt. Bah, on ne sait pas. Donc on trouve une carte lunaire sur laquelle figurent des édifices et des fortifications. Il existe vraiment un énorme mur sur la Lune qui est visible à l'œil nu et mieux au télescope. C'est grâce aux capsules spatiales qui ont observé la Lune qu'on a fini par comprendre ce truc. Il y a vraiment un truc qui s'appelle le mur droit, qui se trouve en bordure de la mer des nuées sur la Lune, et qui est en fait une formation extraordinaire, une falaise haute comme une fois et demie la tour Eiffel, et en ligne droite fait la longueur Paris-Orléans. En ligne droite? À peu près. Ouais, c'est le train pendulaire, ça. Ouais, bah oui. Comme il y a sur, quand tu vas sur Limoges, machin, tu vois, t'as des rails qui sont restés plantés comme ça, dans les champs. Eh, hey, c'est ton jeu. Il y a un autre phénomène, c'est les canaux lunaires. En fait, il faut que j'arrête de dire en fait. Ouais, parce que la fin, en fait... En fait, ouais. Donc, il y a aussi des canaux sur la Lune, parce que la Lune est caillée. Et caillée. Il y a aussi caillée, des... caillée. Caillée de vacances. Ouais. Putain, voilà, c'est ça. Il y a des canaux sur la Lune qui semblent à des rivières asséchées, qui sont creusées étrangement, dont le tracé n'est pas très régulier, et tout ça a alimenté pas mal de fantasmes, jusqu'au XVIIIe siècle, où un certain Johann Schrotter déclarait sans hésitation qu'il s'agissait de routes construites par les Sélénites. Et c'est au bord, ouais, et c'est d'ailleurs au bord de ces routes... C'est les péages, en fait, voilà, c'est ça. Non, mais même, c'était tout à fait logique, parce qu'au bord de ces routes, ils avaient vu des arbres, tout allait bien. Et c'est la mission Apollo 15 qui s'est posée à côté d'une de ces ravines là, qui sont en fait des ruptures de terrain, non pas des rivières asséchées. Donc, sachez qu'il n'y a aucun indice rapporté par les astronautes permettant de conclure à l'existence de la vie sur la Lune, ne fût-ce qu'un embryon de vie. Il y a quand même un fou qui s'appelle Jean Sandy, qui annonce que l'Arche d'Alliance est désormais sur la Lune, et en précise même l'endroit. Mais qui l'a ramené là-bas? Bah, Indiana Jones, sans doute. Non, les nazis. Ou les nazis. Ouais. Ça se tient. Ou alors Indiana Jones était nazi. Peut-être que l'Arche d'Alliance a donné suffisamment de puissance pour les vaisseaux d'Iron Sky. Ouais, ça me semble cohérent. Aussi. Qui était avant garé au centre de la Terre, au pôle Nord, sous la glace. Là, on va loin quand même. Ouais, je pense qu'on va un petit peu loin. Eh ben, écoute, Tito. Écoute, Tito, puisque tu es allé beaucoup trop loin, je crois qu'il est temps que tu nous dises. Que je revienne. Ah oui. Donc là, c'est l'heure du jingle. L'heure du jingle. C'est quoi ça? Alors déjà, je me désolidarise de ce jingle. Je ne l'ai pas choisi, on me l'a imposé. Non, même pas vrai. Non, pas du tout. Alors, je vais mais vous parler. C'est quoi ce jingle alors? Je sais pas, c'est de la merde. C'est Carlos qui chante le bougalou du bougarou. Tu connais pas ça? Oh, c'est dingue. Ah bah si, je connais que ça, voyons. Bah ouais. Comment je fais les matins au petit déjeuner? En perfusion. Voilà, donc tout ça pour commencer, pour parler de la lune et des loups-garous. Eh oui. En fait, le premier film date de 1913, qui s'appelle The Werewolf, ça veut dire donc le loup-garou en anglais, et ce film malheureusement n'existe plus parce qu'apparemment toutes les copies auraient brûlé déjà en 1924. Donc est-ce qu'un effet indésirable de la lune? Peut-être. Après, dans les films plus récents, qui est assez connu, il y a eu le loup-garou de Londres de John Landis en 81, et il y a eu Wolf en 94 avec Jack Nicholson. Ah oui. Alors, aussi. Et donc oui, car selon la croyance populaire, la pleine lune déclenche la transformation de l'être affecté d'humain en lycanthrope, et dont la seule occupation est de bouffer tout ce qui passe en vous. Et au petit matin, le grand méchant loup se retransforme en humain et reprend une vie à peu près normale. Et va se brosser les dents éventuellement. Oui, ce serait une bonne idée. Sachant que la lycanthropie était attestée dès l'antiquité gréco-latine, c'est-à-dire il y a très très longtemps, et il a fallu attendre le XVIIe siècle et le règne de Louis XIV pour commencer à douter de leur existence. Donc autant dire que des légendes sur les loups-garous, il y en a eu un gros paquet. Ça durait assez longtemps. Alors après, il y a aussi l'influence de la Lune, donc qui n'est pas que sur les loups-garous, qui est aussi sur l'homme. Parce que l'influence de la Lune, c'est un peu le sujet interminable dès que vous commencez à chercher ça. Tellement il y a d'informations, mais surtout d'informations qui se contredisent, et surtout qu'il y a des chiffres qui évoluent tout le temps. Alors la raison principale qui est utilisée pour justifier l'influence de la Lune sur l'homme, c'est dire que l'homme est composé à 60% d'eau. Sachant que 60% d'eau, c'est ce qu'on a actuellement. Parce que il y a encore quelques années, une vingtaine d'années même, on arrivait à trouver des gens 80%. D'accord. Et donc ça avait donné la théorie des marées biologiques. Ah, c'était une grande théorie en plus, je me souviens que ça marchait super bien comme théorie. Alors, un exemple célèbre est Charles Hyde, un ouvrier anglais qui plaida la folie lunaire pour justifier ses crimes et qui inspira un certain Robert Louis Stevenson pour son personnage du Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mm-hmm. Et donc, on parle très souvent que la lune augmente le stress, l'angoisse, les accouchements, les suicides, la violence, etc. Voilà, enfin un peu tout, mais pour les chercheurs, la réponse est non, c'est pas vrai. Sauf que, mais sachant que ça, en général, c'est des recherches qui sont faites dans les hôpitaux, etc. Et là, il y a une étude canadienne qui a été faite en 2012. Et en fait, ils ont interrogé, justement, les infirmières, les médecins et tout. Ils se sont rendus compte que 80% des infirmières et 64% des médecins croient à l'influence de la Lune. Ah oui. Donc, ce qui fait que ça pourrait éventuellement un petit peu influencer les chiffres. Et donc faire en sorte que ces chiffres perdurent. Parce que en fait, si les médecins sont influencés, ils changent peut-être leur manière de soigner, pensant que ça influence. Ou peut-être vont faire plus attention à ce qui se passe. Et voilà. Alors sachant que donc là, on va revenir plus sur la Lune en elle-même. Le culte de la Lune est très ancien. Il aurait même précédé les religions patriarcales et païennes. Et cependant, selon les civilisations et les religions, la Lune est perçue de façon radicalement différente. Par exemple, pour les Péruviens, la Lune, c'est la sœur et la femme du Soleil. Bref. Et c'était la mère, donc, de tous les Incas. D'où une grande vénération. Dans le Coran, la Lune est considérée avec le Soleil comme un signe de puissance d'Allah, qu'il a créé en particulier pour mesurer le temps. En Inde et en Perse, l'adoration de la Lune qui est considérée comme un élément mâle surpasse celle du Soleil, car elle permet notamment aux peuples nomades de s'orienter la nuit. et c'est également l'emblème du peuple hébreu et sous la forme du croissant, celui de la divinité hindoue Shiva, qui est considéré à la fois comme le créateur et le destructeur. Ce qui me permet d'enchaîner magnifiquement bien sur les visions un peu moins sympas de la Lune. Et il y en a. Alors là, nous... oui, il y en a des très sympathiques. Alors nous avons les gréco-romains qui appelaient la Lune Bombo. Comme le petit comme l'automobile. Ah, l'automobile, pardon. Ah, oui. Presque, mais non, c'est B-O-M-B-O. Sauf que dans ce cas-là, Bombo, c'est une divinité malfaisante qui envoyait aux hommes cauchemars, fantômes, et qui était la patronne des sorcières. D'accord. Pas trop de rapport avec Bombo, la petite automobile. Alors, pour les Phéniciens, Anat, la déesse de la lune, était une divinité guerrière qui tuait sous l'emprise de la folie les soirs de pleine lune. D'où la folie lunaire, c'est peut-être pas les dingues. Entre autres, alors nous avons aussi Kalima, une déesse hindoue de l'astre de nuit, qui elle faisait des trucs super sympas. Elle fabriquait ses boucles d'oreilles avec des cadavres et les perles avec des crânes humains. Ok, c'est bien, c'est discret pour sortir en boîte. Mais Kalima, c'est voilà. Dans Indiana Jones, je me trompe pas. Ah, ça me dit quelque chose en effet. Kalima Shaktide. Eh oui. Ouais, ça me dit quelque chose. Et donc, pour finir, une spéciale pour Péremptoire, selon une tradition bretonne, la Lune a été créée par le diable, car moins brillante que le Soleil, et conçue par Dieu, lui, et donc a une influence pernicieuse. Sur les Bretons. Sacré Breton. Je suis peut-être né un jour de pleine Lune. Bah écoute, on va y venir, parce que là, j'ai fait un spécial Bretagne. Étant donné que le folklore breton regorge de références à la Lune, j'en ai listé quelques-unes qui sont assez sympathiques. Alors nous avons un Saint-Brieuc, tu le connais un petit peu j'imagine. Alors pour eux là-bas, la Lune jouait le rôle du croque-mitaine. Et donc on menaçait les enfants en leur disant « Si tu n'es pas sage, Madame la Lune va venir te manger. » C'est pas crédible. Ah bah à l'époque ça l'était, hein. Je suis désolé. C'est bizarre. Mais ça... À l'île de Saint, au large de la péninsule bretonne, la Lune avait un sanctuaire desservi par des druides. Je ne sais pas si tu as déjà été faire un tour là-bas. Non, mais on dit « qui voit l'île de Saint voit sa fin ». Ah bah, proverbe bon. Toujours en Bretagne, le croissant de Lune favorise la naissance de, attention là c'est joyeux, les boiteux, bigles, bossus et borgnes. La pendaison, la noyade ou une mort violente guette celui qui voit le jour avec la nouvelle Lune. Quelqu'un est né en la pleine Lune, un jour de pleine Lune ici? Non. Non, mais faut être breton, ça, sinon ça marche pas. Faut être breton et de pleine lune. Voilà. Ça fait beaucoup, quand même. Hein. Ouais. Alors, nous avons dans le Finistère, notre légende, celui qui regarde fixement la lune pendant un certain temps est exposé à être avalé par elle. D'accord. Voilà. Ça je sais pas, ils avaient dit, plutôt que vu qu'ils n'avaient pas de soleil, donc, pour pas se brûler les yeux, ils disaient la même chose, mais avec la lune. Alors, nous avons à Cap Cisan, tu connais? De nom, ouais. Qui est l'extrémité occidentale de la Cornouaille, la Lune jette du venin dans l'eau, et c'est pourquoi on recouvrait les puits d'un petit toit en pointe surmontée d'un galéron ou d'un toit en pierre. Donc si tu vois des puits en Bretagne avec un petit toit par-dessus, ça veut dire qu'ils croyaient que la Lune jetait du venin dans l'eau. J'en ai déjà vu. Ben voilà. Maintenant je sais. Mystère de... Ceci explique le pourquoi du comment. Voilà. Encore deux petites que j'adore. Alors, il y en a une qui dit que si on fait sa lessive en lune nouvelle, le linge retrécit, s'use et se déchire. Alors, si je peux me permettre un fun fact sur le linge et la lune, sont utilisés en fait les entre guillemets rayons lunaires, en fait la lumière de la lune pour blanchir le linge. Parce que on connaît que le soleil a des effets sur les couleurs, mais la lune a des effets encore plus puissants que le soleil pour blanchir le linge. Et là, je finis avec une petite prière pour la pleine lune. Je cite, « Salut, pleine lune, emporte celle-ci avec toi, loin d'ici. » Et là, vous vous demandez, mais de quoi est-ce qu'il parle? Oui, de ça. Et là, nous parlons en fait de l'effet médicinal de la lune qui guérissait les verrues. Ah, d'accord. Et voilà. Ok. Enfin... Ouais, j'ai fait court pour une fois, ça me fait bizarre. Oui, moi je reste drôle parce que t'as quand même fait moins d'un quart d'heure. Et ouais, t'as vu ça? Putain. En parlant de légende de la Lune, il y en a une sur le premier pas. Tu veux nous en parler, Péremptoire? Tout à fait, quelle transition, mais je mets d'abord le jingle, mon cher Randall Flag. That's one small step for man. One giant leap for mankind. Vous avez forcément reconnu. Oui. Bon, quand même. Ouais. Donc, un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Et donc, c'est par ces mots que Neil Armstrong foule le sol lunaire. Alors, pour rappel, nous sommes en 1969, en pleine guerre froide, et à l'époque, le programme Apollo réussit l'exploit de marcher pour la l'équipage du programme Apollo réussit l'exploit de marcher pour la première fois sur la Lune. Et en fait, en faisant ça, l'équipage remplit à l'époque l'objectif fixé par le président Kennedy, qui était de réussir à être les premiers à poser un équipage sur le sol lunaire. Avant 1970. Voilà, juste avant la fin des années 70, des années 60. Et avant les Russes. Et avant les Russes. Et donc, c'est ce qui a montré la suprématie américaine à l'époque. Parce qu'on est aussi et qui a fini de couler les Russes. Et oui. Sachant que les Russes étaient les premiers à avoir envoyé quelqu'un dans l'espace. Donc parce que oui, bah oui, à cette époque, en fait, il y avait toute une course à l'espace. Donc il y avait le premier satellite dans l'espace, le premier être vivant dans l'espace avec le chien, c'était Laika, c'est ça? Laika. Il n'y avait pas un singe avant? Non, c'était un singe. Non, c'est les Français qui avaient envoyé un singe, je crois. Ouais. Non. Il y avait après le premier homme dans l'espace. Gagarine. Voilà. Et donc, figurez-vous aussi qu'il y a une histoire un petit peu singulière à propos de cet événement, et surtout à propos de Neil Armstrong. Parce que pendant cet événement, on lui attribue une autre citation qui est « Bonne chance, Monsieur Gorski. Good luck, Mr. Gorski. » Et donc cette phrase a suscité énormément de réactions, et c'est pas très connu. Il l'aurait prononcé quand déjà ? Il l'aurait prononcé donc pendant qu'il rentrait dans le module. Pendant qu'il était sur le sol lunaire. Non, pendant qu'il remontait dans le module lunaire. D'accord. En fait, donc en partant. C'est le temps. Voilà. C'est le temps qui s'en rappelle. Mm. Ouais. Ah mais tu vas voir, c'est marrant. Et donc en fait, beaucoup de réactions à l'époque. Il y a la NASA qui pense que ce monsieur Gorski, c'était en fait un cosmonaute soviétique rival. Et donc c'était une phrase, la phrase c'était une petite pique qui lui était destinée dans le sens moi j'ai réussi à aller sur la Lune en premier, bonne chance si t'y arrives quoi. Ouais. Ou c'était un truc codé aussi. Mais, ouais. Mais c'est plus étrange parce qu'il l'appelle monsieur. Oui. Il lui a pas donné son grade si ça avait été un monsieur. Aussi, ouais. Et donc en fait, forcément. La phrase, cette petite phrase mystérieuse, ça a eu deux effets. D'une part aux États-Unis, donc la CIA et pas mal d'autres agences de renseignement sont mises sur l'affaire. Donc après des recherches, ils ont trouvé aucun cosmonaute russe appelé Gorski, soviétique surtout. Et donc la CIA devient pas mal nerveuse, a essayé de trouver une explication. Est-ce que c'est un message caché? Est-ce que Armstrong est un espion? On ne sait jamais, peut-être. À cette époque-là. Est-ce que ça veut dire qu'on a trouvé de la vie sur la Lune, mais on n'aurait pas le dire? Non, mot secret et tout. Et en fait, à son retour de mission, Neil Armstrong est interrogé, mais il refuse de parler. D'autant plus que, en fait, un nom comme Gorski, m'excusez, mais ça fait pas très américain quand même. Quand on parlait des rouges. On parlait des rouges, ouais, l'omniprésence de la bipolarité, ça faisait plus nom russe en fait. Et donc d'autre part, de l'autre côté du rideau de fer, en URSS, les agences soviétiques qui essayent aussi de déchiffrer le message parce que ils pensent que ça leur est particulièrement adressé. Et pendant 25 ans, les journalistes ont harcelé Armstrong en conférence de presse à propos de cette petite phrase, et c'est finalement le 5 juillet 1995 qu'il dévoile la vérité. Et donc il va dire en substance que, alors maintenant que les personnes impliquées, donc en 95, maintenant que les personnes impliquées dans cette histoire sont mortes de vieillesse, on suppose, il peut raconter l'histoire et enfin dévoiler la face du monde. Voilà. Mystère. Et donc quand Armstrong était petit, il jouait dans son jardin au basket, chez lui, et il envoyait le ballon dans le jardin des voisins. Il a fait un petit tir un peu trop loin, et donc le ballon était dans le voisin du jardin. Dans le jardin des voisins. Sinon c'était bien visé. Ouais. Désolé. Et donc, et ses voisins, c'était Monsieur et Madame Gorski. Et alors qu'il récupérait, il récupérait son ballon dans le jardin du voisin, il vit Monsieur Gorski, donc le voisin en question, par la fenêtre, demander à sa femme de lui faire une petite gâterie, quoi, une fellation, quoi. Et c'est en fait là qu'il entendit Madame Gorski dire « Une fellation, je t'en ferai une le jour où le gosse du voisin marchera sur la lune. » Et voilà, c'est de là que... deviendrait la phrase. Voilà. Et donc en réalité, et désolé de vous gâcher une si belle histoire, mais tout ceci, c'est une vaste légende urbaine. Oh, tout c'est est horrible. Faux. Et ouais, c'est horrible. Et même moi, j'avais envie d'y croire. Si. J'avais envie d'y croire, parce que c'est quand même... Je trouve que c'est une belle histoire. Ça nous vendait du rêve. Une belle histoire. C'est poétique, une petite pipe. C'est ça. Et en fait, la légende urbaine, ça a commencé en 1995, donc assez tard finalement. Ouais. Et Armstrong a déclaré qu'il avait entendu pour la première fois cette anecdote en 1995, avec un comédien de stand-up américain, c'était Buddy Hackett, je crois. Et cette personne avait fait la blague pendant un spectacle. Donc j'avais cherché s'il y avait peut-être un extrait YouTube de cette blague, mais rien du tout. Pas d'enregistrement. Mais de toute façon, maintenant on a pas mal d'éléments qui prouvent que cette petite phrase n'a jamais été dite en fait. Parce que quatre choses. Sur toutes les bandes de l'enregistre, bandes audio de l'événement, parce que tout a été enregistré, maintes et maintes fois même, aucune présence de la phrase, et même dans les transcriptions écrites de l'époque, aucune trace de la phrase. Ouais, c'était censuré tout ça. Ah bah après, tu sais, les complotistes qui vont bon train, hein, ils pensaient ça aussi. Ouais. Ouais, ils ont cru que c'était pour les soviets, ils se sont dit putain, on coupe. Ouais. Deuxième chose, c'est que on a trouvé aucune trace d'un couple au nom de Gorski qui habitait dans une maison, ne serait-ce dans le même quartier que Carmstrong. Donc, aucun monsieur Gorski. Ça devient plus compliqué. Et ouais. Troisième chose, on n'a même pas la trace de ne serait-ce qu'une seule petite interview où une question sur la signification de la phrase a été posée. Donc, on n'a pas de. Bah, c'est ça que demander la signification d'une phrase qui n'a pas été prononcée. Voilà, oui, voilà. Forcément. Et donc, de ce fait, on a encore moins de traces d'une quelconque révélation d'Armstrong sur cette phrase. Et est-ce que tu as une idée du moment où quelqu'un a sorti cette fameuse phrase? En fait, ça s'est passé en 1995, je crois que c'était quelques mois après, je crois que c'était en décembre. C'est un journal qui a déterré l'histoire. Après, j'ai pas plus d'informations. Un journal. Des journaux qui ont déterré l'histoire. Ok. Et bon rattrapage. Joli. Bon, je coupe au montage. Et donc c'est un journal qui a récupéré cette histoire et puis qui a monté ça en épingle. Et puis forcément, l'effet boule de neige était inévitable. Parfait. Et forcément, on en parle encore maintenant. Même les complotistes pensent que c'est vrai. Et moi, je dis, ça fait pleurer Raoni, ça, d'ailleurs. Ouais, Raoni. C'était une bonne légende. La fameuse photo. La fameuse photo. Oui, on pourra en parler, même. Enfin, bref, voilà. Donc, je souhaite encore une bonne chance à Monsieur Gorski. Eh bien, on va rester dans les complotistes. Et bonne chance à madame aussi. Surtout à madame. Hein, Loli, on va rester chez les complotistes. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, bien sûr. Allez, jingle. C'est les complots, hein. Do not try what you're about to see at home. We consult with experts, we take every precaution, and we have years of experience in dangerous situations. Alors, Loli, explique-nous un peu cette intro, là. Alors, cette intro, c'est très très simple. C'est le générique jingle d'entrée, en fait, de tous les épisodes des Mythbusters. Et pourquoi je vais vous parler des Mythbusters? Tout simplement parce qu'ils ont fait un épisode spécial de leur émission, hein, ouais. Mythbusters, émission américaine, un classique, hein, on ne les présente plus. C'est devenu incontournable. Oui, disons que c'est les gars qui s'amusent à prendre un mythe urbain et en vérifier la véracité, avec des expériences. Dont le très bon « Est-ce que le bâillement est contagieux ?» Voilà. Je vous laisse aller voir. Voilà. Et donc, ils ont Mais ils vérifient que ça existe ou ils vérifient que ça n'existe pas? Alors, les deux. Ils essayent de savoir si c'est possible. Tout à fait. En fait, ils font un principe, c'est on teste, voir si avec les moyens standards, ça marche. Et après, c'est on force la mécanique pour le faire. Voilà. D'où le nom « Mythbuster, explosion du mythe ». Voilà. Et donc, ils ont fait un épisode spécial. Ouais. L'épisode 10 de la saison 6, ouais, précisément, qui est un épisode spécial NASA. Mm-hmm. Le titre en français est « On a marché sur la Lune ». Donc déjà, il commence un peu fort en tapant un petit peu les coups de pompe dans la fourmilière, histoire de dire « T'as vu, on te taquine un petit coup mm-hmm. ». Et dans cette émission, il brise les mythes des théoriciens du complot. Qui prétendent que nous ne sommes jamais allés sur la Lune et que toutes les photos et autres vidéos que l'on envoie... Regardez l'ombre du caillou, là, les voilà. Et donc, toutes les photos et vidéos que l'on voit ont été faites en studio. Ouais, donc ça, c'est le grand standard classique que non, on n'y a jamais été, c'est faux et c'est faux, et voilà. Et donc, c'est un mouvement qui a pris place vraiment à partir de l'année 1970. Parce que au début des années 70, et plus précisément donc pendant l'année 1970, il y avait un petit peu un climat de défiance du gouvernement américain par les citoyens, suite au scandale du Watergate et à la guerre du Vietnam. Ouais. Donc ils se sont dit, l'État nous fait des choses dans le dos, il y a forcément autre chose qui peut se cacher en plus derrière. Donc est venu en place que toutes les missions lunaires était infondé, c'était du faux, et filmé au studio. Alors, ils se sont appuyés sur des tas de choses, des photos, énormément de photos d'ailleurs, Et je vais vous parler en fait de trois photos en particulier pour les premiers mythes qui ont été démontés par les Mythbusters, qui sont la photo d'Apollo 14 avec des ombres dans des directions différentes, Oui. Voilà. la photo de Buzz Aldrin qui descend du module lunaire Apollo 11, qui est remis en question parce que suite à, en fait, il y aurait une question de jeu de lumière. Ouais, y a un problème d'éclairage. Et le drapeau. Ouais. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est que le drapeau flotte dans le vide. Et Il donc, tient. il flotte, et Ouais. il flotte. Dans la vidéo, il flotte, et sur la photo, il tient. Ouais. Et en fait, D'accord. les problèmes sont donc que, oui, les photos sont truquées, c'est pas possible que. Alors, pour les jeux de. Pour les ombres différentes, Ouais. la photo représente le module lunaire posé sur la Lune. Ouais, je vois à peu près le truc. Donc, ensuite, on voit. Donc, ça, c'est on va dire en deuxième plan. Et en premier plan, on voit au ras. Deux Ok. rochers, et bien sûr, chaque objet a son ombre, l'ombre ayant pour source lumineuse, d'après la NASA, le Soleil, d'après les théoriciens du complot, Les spots. des projecteurs. Et pourquoi ils disent qu'il y a des projecteurs, et pourquoi je dis bien des projecteurs? Parce que d'après Parce qu'il y en eux, a dans tous les sens. les ombres des rochers et du module lunaire doivent être parallèles, si il y a une seule et unique source lumineuse. Et Ok. donc sur la photo, on voit que l'ombre du module lunaire, on va dire, est pile poil parallèle au cadre de la photo, mais les ombres des rochers seraient en gros à 45 degrés par rapport au cadre de la photo. Et là, ils disent, voilà, c'est pas possible, c'est possible uniquement que s'il y a deux projecteurs, À deux etc. sources de lumière. Exactement. Et donc les Mythbusters ont dit, eh ben on va voir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils reconstruisent en modèle réduit, donc une maquette, avec un énorme projecteur, parce que c'est sûr que c'est plus facile quand même de contrôler une source lumineuse avec un projecteur. Oui. Mais ça, c'est pour Bien pouvoir sûr. contrôler à l'échelle d'une maquette. Sur cette maquette, ils posent au milieu un module lunaire. Et au début, ils ont fait une reconstitution, on va dire, en poudre de la composition du sol lunaire. Donc, ils étalent de la poudre partout sur la plaque. Ils posent le module lunaire au milieu. Ils font un essai comme ça à vide, sans aucun relief, que dalle, juste module lunaire plaque. Ils prennent la photo, ils voient, ils comparent. Bon, pour l'instant, tout se passe bien. Ils font maintenant, on va rajouter Les les cailloux. Du cailloux. relief. Ouais. Donc ils posent les reliefs, ils font un monticule de sable, ils posent les choses bien, parce que bah, les Mythbusters, de toute façon, ils sont très perfectionnistes. C'est quand on essaye de démontrer un truc, on le fait dans les règles de l'art. Surtout qu'en plus, c'est des spécialistes d'effets spéciaux, donc ils sont les premiers à Voilà. faire des trucs assez Donc des trucs très pointus. précis, très fins et très bien faits. Et donc, une seule et unique source lumineuse, ils prennent la photo, et là, hop, la photo, on voit que le module lunaire a une ombre, que les rochers ont aussi une ombre, mais que les deux ne sont pas parallèles. Et ça démontre bien que la photo qui a été prise a bien une seule et unique source lumineuse, à savoir le soleil. Donc déjà Oui, celle-là il n'y a réglée. pas. Que ça vient d'un point, parce que ça vient de, que Voilà, ça vienne parce que de. le fait que on dit ça vient de deux points, c'est pas possible. Du coup, les ombres seraient totalement encore plus faussées. Ça ferait genre l'ombre du module lunaire dans un sens, et Ouais, puis se l'ombre de la recroiserait suite presque. dans un autre sens, et puis ça serait ridicule. Ça sauterait aux yeux. Et alors, la deuxième photo, c'est module lunaire vu de près, avec Buzz Aldrin en train de descendre du module lunaire, ou de monter, suivant, enfin peu importe du sens. Et en fait, il est sur l'échelle, dans l'ombre du module lunaire, mais il est lumineux. Enfin, dans le sens que. Vraiment lumineux, hein. Non, mais c'est pas un néon, quoi. Mais c'est que, en fait, Mais il éclairait. il fait lumineux. Et donc, les gens disent, bah non, c'est pas possible, et dans l'ombre, il devrait être tout noir, c'est parce qu'il y a un projecteur. Donc, toujours une question qu'il y a un projecteur dans un sens et une autre source lumineuse dans l'autre. Moindre, pour pas que ça fasse trop visuel, en fait, enfin, trop visible sur l'ombre du module. Mais il faut que ça passe bien à la Mais faut télé. que ça soit, voilà, télégénique. Et les Mythbusters ont dit, eh ben on va tester. Donc ils ont repris leur installation de base, sauf qu'ils ont construit un module lunaire plus gros pour pouvoir faire un montage plus réaliste, sur lequel en fait ils mettent une figurine, une représentation de Buzz Aldrin en train de monter à l'échelle, en combinaison d'astronautes de la NASA, donc blanche, etc., pour que ce soit le plus proche possible de la réalité. Donc reproduction à nouveau du sol lunaire avec leur poudre miracle qui est un mélange de tas de choses, entre autres de la poudre à canon, et D'accord. avec avec exactement le même taux de luminosité que le sol lunaire, que nous on D'accord. puisse le mesurer de la Terre. J'entends. Donc, en mesurant avec leur projecteur la réflectivité du sol, etc. Et pour être sûr qu'il n'y ait aucune perturbation extérieure, en fait, ils font un caisson en papier noir avec juste un trou pour passer le projecteur. Donc, comme ça, aucune perturbation extérieure d'un quelconque reflet potentiel. Et avec juste au plein milieu l'appareil photo qui sert et point final. D'accord. Ils prennent la photo et là, ça saute aux yeux avec une seule et unique source de lumière et la réflexion du sol. Voilà, c'est ça. L'astronaute est bien visible et pas du tout dans l'ombre, en fait, bizarrement. Parce qu'il est dans une ombre, mais il est lumineux. Ouais, je me trompe peut-être, mais c'est ce qu'on appelle un peu aussi la radiosité de la lumière, je crois. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la différence d'un spot, une lumière comme ça, n'est pas omnidirectionnelle. Exactement. Et puis une grande zone. Et c'est... Mais c'est le sol qui réfléchit. Et c'est le sol qui réfléchit, exactement. C'est pas, en fait, c'est pas le module lunaire, etc. Ouais. C'est pas non plus le fait que la lumière se propage, parce que oui, la lumière se propage. La composition mais la composition du sol fait aussi que ça fait un peu effet miroir. Donc ça, c'est le petit côté boule de facette qui brille. Et donc voilà pourquoi la lune, quand tu regardes, quand c'est pas une nuit de nouvelle lune, la lune dégage quand même beaucoup de lumière. Donc voilà, ça c'est les deux principales photos que les Mythbusters ont choisi de démonter. Ensuite, ils sont passés au drapeau. Donc pour le drapeau, donc ils n'ont pas pris la photo, parce que la photo, ils en ont déjà fait deux, ils ont dit on va passer sur la vidéo. Ouais. Et sur la vidéo, en fait, on voit le drapeau qui ondule comme s'il y avait du vent. Ouais. Or, pas d'atmosphère, pas d'air, le vide absolu, donc pas de possibilité d'avoir un courant d'air. Et donc, ils ont fait la démonstration en allant dans un centre de la NASA, que la NASA a mis à leur disposition pour justement un petit peu clouer le bec aux détracteurs. Voilà. Et donc, ils ont un énorme caisson à vide, dans lequel ils ont monté un système pour pouvoir en fait faire bouger le drapeau à distance, pour voir si après, le mouvement pendulaire du drapeau reste ou s'arrête. Donc, ils font l'essai... Donc avec le caisson, on va dire, ouvert, donc avec la pression atmosphérique standard, de l'air, enfin tout comme il faut. Ouais. Donc ils ont fait onduler le drapeau. On voit que le drapeau, il ondule et puis il s'arrête. Forcément. Ensuite, ils font le vide absolu dans le caisson et ils refont exactement la même chose. Ils font bouger le drapeau. Et là, ils voient que le mouvement pendulaire du drapeau reste. Suffisamment longtemps pour qu'en fait ça donne l'impression qu'il y ait un courant d'air et ça laisse largement le temps de prendre une photo, de faire une vidéo, etc. Ah oui, il n'y a pas le frottement de l'air. Parce qu'il n'y a pas de frottement de l'air qui ralentit exactement là. Bah, c'est comme la gravité, quoi, comme les astronautes qui sont beaucoup plus légers. Exactement, mais ça j'y viens après. Là, le mouvement sont plus. D'accord. Et donc en fait, voilà, le fait que le vide soit présent, ça montre bien que. Enfin, pour moi, là, à la base, je ne savais pas qu'il bougeait le drapeau. Le drapeau, oui, il bougeait. Alors justement. Qu'il était en texture rigide, non, mais aussi. Que alors non, en fait, il est sur une hampe qui a un mât. Voilà. En fait, la lampe, ça ferait un petit peu un pendu. Tu vois, voilà, c'est ça. Une potence. Ouais mais j'avais pas fait gaffe qu'il y avait. Enfin, j'ai pas vu la vidéo. Alors, je te conseille justement, du coup, d'aller voir l'épisode des Mythbusters où, à chaque fois, avant de démonter le mythe, ils montrent les photos ou les vidéos en question. Bref, passons. Donc, ensuite, le mythe suivant, c'était la photographie. Alors, toujours un peu une photo, mais c'est pas montré par les deux principaux, c'est montré par l'équipe des jeunes. L'empreinte de pas sur la Lune. Et l'empreinte de pas, en fait, c'est l'histoire que y a une photo qui est prise d'une empreinte de pas et les gens disent « Non, c'est pas possible l'empreinte de pas sur la Lune, c'est pas possible, c'est pas d'humidité, donc le sol, la poussière, ne peut pas maintenir une forme. » Et en fait, parce que on s'est basé sur la poussière terrestre, enfin, les théoriciens se sont basés sur la poussière terrestre pour dire ça. La poussière terrestre, quand elle est sèche, si tu prends par exemple du sable, quand c'est sec, tu fais une empreinte dedans, un courant d'air, c'est parti. Faut pas oublier qu'il faut de l'air, mais un mouvement à côté, quelque chose, ça s'en va. Tu prends la même chose avec du sable mouillé, tu fais ton empreinte, ça tient. Sauf que les poussières terrestres, en particulier par exemple du sable, les poussières terrestres sont rondes, enfin c'est assez sphérique. Ouais, surtout le sable de plage. Exactement. Tandis que la poussière lunaire, elle est coupante. C'est des cristaux. Ouais. Mais oui, puis s'il n'y a pas d'érosion. Exactement, il n'y a pas d'érosion qui arrondit les bords, on va dire. Et donc, ils ont fait le test. Pareil, chambre à vide. Reproduction de la poussière lunaire officielle fournie par la NASA. Parce que c'est la poussière qu'ils se servent pour tester les étanchéités des équipements, etc. Donc, une bassine en plus. Avec la poussière lunaire officielle, donc c'est pas de la vraie poussière lunaire, mais c'est la reconstitution la plus proche et la plus réaliste. Une chaussure officielle fournie par la NASA. Sachant que pour contrôler le système, la NASA a développé une espèce de porte en fait, pour la chambre à vide, avec deux manches de combinaison et deux gants pour pouvoir toucher à l'intérieur. Sauf que le gant coûte à lui-même $1 million. Un seul gant. D'accord. Donc il en faut forcément deux pour faire. Ça fait cher la paire, ouais. Donc $2 million la paire. T'en prends soin. Et donc, leur essai, donc, poussière officielle, caisson vide, absolu. Et là, il lâche la chaussure lestée, parce que il faut quand même y avoir une masse. Et donc, le pied tombe, la chaussure tombe, et il relève, et l'empreinte reste. D'accord. Donc, c'est réglé. Mythe réglé. Tac. Ça montre qu'à nouveau, la photo, elle est vraie. Et il en reste le dernier, en fait, ce qui dit que les astronautes n'ont jamais rien laissé derrière eux, à savoir des miroirs, pour pouvoir refléter des lasers tirés depuis la Terre. Car oui, régulièrement, on lance des lasers depuis la Terre pour mesurer la distance Terre-Lune. Et entre autres, mesurer la distance. Un épisode là-dessus. Il y a aussi des essais de transfert de données, etc. Et alors, celui-là, je m'en souviens plus exactement comment il le démontre, mais il y a effectivement un projet qui a été lancé par la NASA officielle en juillet 2009, qui ont lancé la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter pour photographier en fait pour la première fois officiellement le site d'atterrissage lunaire, et sur lequel les photos on voit qu'il y a des étages d'atterrissage, des modules lunaires, des traces d'activité, des équipements qui ont été laissés, et des miroirs, etc. Et des balles de golf aussi, mais ça c'est plus difficile à voir. Des sacs poubelles avec du caca. Aussi, oui. Aussi. Et néanmoins, les partisans de théorie du complot n'étaient pas encore satisfaits. Et en septembre 2009, donc 2 mois plus tard, ils ont lancé une autre sonde qui est passée en basse altitude, c'est-à-dire à 50 km du sol, avec des nouvelles images encore plus détaillées. Donc ça démontre une fois de plus que, voilà, on y a... Oui, enfin pour ça, on aura toujours des gens qui ne seront jamais... Qui diraient que ces photos-là sont aussi truquées. Ah bon, tout... Oh, faut bien leur donner un autre. Tout a été mis en avant et fait pour que on puisse montrer qu'effectivement ça a été fait. On a marché sur la Lune. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la Lune. Je pense qu'on a fait le tour. On a vu la face cachée. On a vu toute la face cachée de la Lune. Allez, un petit Pink Floyd maintenant. Magnifique. On a tous les quatre montré notre Lune. Mon Dieu, il a osé le faire. Impeccable. Et eh ben écoutez, moi je veux vous dire merci d'être venu nous rejoindre. Ouais, impeccable. Petit ours, toi on peut te retrouver où sur les internets mondiaux? Sur Twitter, @titours, TIT0URS. D'accord. Et toi Loli, entre deux. On peut me retrouver sur Twitter, @theloli76. Et à peu près partout ailleurs avec theloli76 ou juste Loli76 en fait. D'accord. Et toi, péremptoire, c'est @péremptoire, autant que je me souvienne. C'est ça. Rien d'autre à dire. Impeccable. Ben, moi, c'est Randall Flag avec un underscore. Et on retrouve aussi hors cadre sur @hors cadre, comme son nom l'indique. Hors cadre PDC. Arcade PDC, exact. Et n'oublie pas le PDC. Et un site internet ou pas? On va y travailler, je pense. C'est sûr, sur la bonne voie. J'y bosse. Ben, on se quitte avec une superbe musique. Est-ce que vous rappelez du très vieux jeu qui s'appelait DuckTale? Vous vous souvenez qu'un des derniers niveaux se passait sur la Lune? Je sais même pas si je l'ai atteint une seule fois. En tout cas, il y a un niveau... Ouais, on pouvait l'atteindre, je crois... Non, il était disponible dès le départ. Et il y avait une super musique. Et une nouvelle version de DuckTale vient de ressortir, la DuckTale Remastered. Et là, on va écouter la musique du niveau The Moon. Allez, salut! Ciao! Au revoir!